cassé ma tirelire sur un rocher glacé. Mais sinon il y a pire, j'avais tout placé. Je me suis retrouvé seul, abandonné sur le quai, avec ma plus grande orgueil sur ma tronche, c'était gai. Je ne veux pas ton fric, je veux rester un homme libre, sans me préoccuper ton papier, qui ne devrait pas me tuer. Je ne veux pas ton fric, je veux rester un homme libre, sans me préoccuper de ces papiers, qui ne devraient pas me tuer, me tuer. J'ai rêvé une fois ou deux que nous nous partagerions le pain, que l'instant d'une minute on se tiendrait la main. Je sais bien que c'est bisounours, mais imagine un instant, dans la rue ensemble nous tous, on brandirait un nouveau slogan. Je ne veux pas ton fric, je veux rester un homme libre, sans me préoccuper de ces papiers, qui ne devraient pas me tuer. Je ne veux pas ton fric, je ne veux rester un homme libre, sans me préoccuper de ces papiers, qui ne devraient pas nous tuer. Plus de papier, moins de diversité. Plus de papier, moins de diversité. Je ne veux pas de ton fric, je veux rester un homme libre, sans me préoccuper de ces papiers, qui ne devraient pas nous tuer. Je ne veux pas ton fric, je veux rester un homme libre, sans me préoccuper de ton papier, qui devrait pas me tuer, me tuer.